et se dirige vers cette maison où la charité, la grâce et la douceur lui sont apparues sous les traits de Lenji. Voici en effet la belle maison blanche avec sa grande porte peinte en chêne, sur laquelle les poignées de bronze imitent des têtes de lion, et un peu au-dessus, dans le panneau de gauche, une superbe plaque de cuivre reluisante étale le nom de Capelle et compagnie, gravé en grosses lettres. Il regarde les fenêtres partout closes, et il y en a trois au premier étage qui sont éclairées. Qui donc est encore éveillé dans la maison ? Le son d'un piano, comme une musique de paradis, s'échappe par les fentes des volets, et bientôt une petite voix d'or s'élève dans le silence de la nuit. Cette voix lui rappelle le murmure avec lequel sa mère le berçait, les chants des petits-enfants de la montagne, le vent dans les arbres, mille choses tendres et lointaines. Puis la voix cesse, mais il l'entend longtemps encore, comme un chant de Noël au fond de son cœur. Des portes s'ouvrent dans la rue, et il en sort des ombres qui marchent rapidement. Quelques-unes balancent à la main de petites lanternes qui rougissent la neige, car les réverbères de la ville sont éteints. Toutes ces petites lanternes se dirigent du même côté, là où la cloche sonne pour la messe de minuit. La porte de la maison Capelle et compagnie s'ouvre aussi, et une joyeuse lumière se répand au dehors. Des hommes et des femmes, chaudement vêtus, serrent les mains au maître de la maison, et une petite voix, celle qui a chanté, leur jette le bonsoir, puis la compagnie se sépare en riant, la porte se referme et les fenêtres où brillaient l'éclat des lampes, une à une, s'obscurcissent. « Ah, Monsieur Capelle a voulu fêter le réveillon, et il a bien fait les choses. On a bu du thé, du vin chaud et du punch. La table est encore remplie de beaux pâtés et de belles tartes dans lesquelles le couteau a taillé de grandes brèches. » Mina déshabille Lenji et la couche dans les draps chauds après l'avoir embrassée. Et au moment de s'endormir, Lenji tourne la tête du côté de son arbre de Noël qu'elle a fait monter dans la chambre avec la poupée, les étuis, les boîtes à ouvrage et les cornets de dragée. Alors la lumière qui danse en haut de la maison sur le rideau de Lenji, comme une étoile dans le brouillard, s'éteint à son tour et l'obscurité enveloppe le doux sommeil de la fille de Monsieur Capelle. Ah, qu'ils sont gais les petits flocons de neige lorsque, pareils à des papillons d'hiver bondissant sur le tremplin de la bise, ils montent, descendent, montent encore et qu'un enfant passe, à travers la fenêtre entr'ouverte, sa main dodue pour les saisir. Qu'ils sont gais pour tout autre que le pauvre Francesco, dans cette nuit glacée de Noël. De grosses larmes roulent au bord de ses yeux, tandis qu'il souffle son haleine sur le bout de ses doigts. Le monde est bien dur. Que va-t-il faire maintenant ? Il voit dans l'ombre une porte profonde dont la neige n'a pas recouvert le seuil. Il y va. Tenez, le voilà qui s'assied, après avoir eu soin de tirer son manteau sous lui et son menton sur ses genoux, il s'endort. Tout à coup, il lui semble que la terre s'est dérobée sous ses pieds. Est-ce lui qui monte ? Est-ce la terre qui descend ? Qu'importe ! Ce qui se découvre à ses yeux est bien plus beau que la terre. Et tout de suite, il sent une odeur délicieuse comme celle qui sortait de la cave du pâtissier. L'air est embaumé de vanille, de safran, de cannelle, de citron, et un petit vent chaud répand ses bonnes odeurs au loin. Dieu, qu'elles sont enivrantes! Il les sent couler dans ses veines comme le jus des fruits mûrs. De magnifiques campagnes s'étendent à présent devant lui, avec des tons de pourpre, d'émeraude et de turquoise, jusqu'aux horizons de montagne qui dentellent l'azur du ciel. Et un abricot, étincelant comme un soleil, répand sa lumière sur les gelées, les sirops et les crèmes du paysage. Jamais le vrai soleil ne lui a paru à la fois si brillant et si humide. Seigneur, Seigneur, que tout cela est bon et qu'il fait doux de vivre. Ainsi se parle Francesco, car il vient de prendre un bain dans la crème et il a mangé trois îles coup sur coup. Puis une montagne en caramel se dresse devant lui, surmontée de la même tour qu'il a vue chez le pâtissier. Qui donc habite la tour ? Ça ne peut être qu'une fée, et la fée sans doute est la reine du pays qu'il vient de parcourir. Mais comment pénétrer dans la muette et splendide tour ? Il cherche en vain la sonnette. « Toc, toc, fait-il, enfin ?» Et une voix douce comme de la confiture lui répond du fond de la tour. « Entrez !» Il entre. De grands escaliers en sucre montent d'une galerie de pudding vers une galerie de nougat. « Toc, toc !» fait-il encore. Et la même voix répond « Plus haut !» Toujours frappant, il arrive à la dernière galerie qui est en biscuits aux amandes, après avoir passé par toutes sortes de merveilles. Et tout à coup, il se trouve en présence de la petite danseuse du pâtissier. Elle lui sourit très gentiment et lui dit « Je t'attendais, mon petit Francesco. » À vrai dire, elle n'était plus posée sur la pointe de son orteil, la jambe droite levée comme il l'avait aperçue la première fois en haut de la tour chez le pâtissier. Non, elle était debout sur ses deux pieds et lui tendait la main à présent. Jamais Francesco n'avait vu une si jolie personne, ni plus mignonne, ni plus potelée, ni mieux faite. Et elle était tout en sucre, avec des couleurs éclatantes qui la rendaient encore plus à son goût. Oh, c'était de bon sucre, allez, et si appétissant que Francesco, qui ne savait que répondre à la jolie personne, se mit à lui lécher le cou sous ses cheveux blonds cendrés. D'où vient qu'il pensa tout à coup que cette jolie créature était la même que celle qui lui avait fait la charité, tandis qu'il se trouvait encore sur la terre? Et comme si la petite danseuse eût compris ce qui se passait en lui, elle lui dit « Oui, c'est bien moi. Voici ma main. Épousons-nous. Mon royaume sera aussi le tien. » Alors Francesco mit sa main dans la sienne et ils furent mariés. Le bel abricot couleur de soleil s'obscurcit en ce moment. Aussitôt, une teinte crépusculaire revêtit la crête des monts et la plaine entière se couvrit d'une couche glacée de confiture aux lueurs sombres. « Voici la nuit, Francesco, » lui dit la petite fille en sucre. « Nous allons nous séparer. » Et Francesco la vit fondre lentement, comme une étoile dans les clartés croissantes du matin. Et la tour se fondit, et les montagnes se fondirent. Et les paysages se mirent à fondre aussi pendant que lui-même se sentait fondre, fondre, toujours un peu plus. Jusqu'à ce que... Le matin, la servante de la maison, en ouvrant la porte pour aller chez le boulanger, trouva sur le seuil un petit cadavre glacé. « Chut ! Ne le réveillons pas. Il est parti, le pauvre Francesco, sur l'aile du rêve à travers la nuit de Noël. »